Mon royaume a 3 mètres carrés de surface. Je fais 3 pas. Je tourne 90 degrés. 3 pas dans l'autre sens. Je passe, je repasse entre des murs bizarrement capitonnés. Je ne me souviens plus du tout de mon entrée dans la maison. Peut-être suis-je né dedans. C'est le jour, c'est la nuit, c'est la nouvelle année, c'est Pâques, c'est Noël. Je ne sens pas le temps. J'aime bien les chansons, surtout quand elles sont vieilles. L'église d'à côté sonne tous les quarts d'heure. La cave de l'économe est pleine de bouteilles. J'y ferai bien un tour. Comment sortir? J'ai peur. Il se passe des choses la nuit. Mon lit bouge, une porte s'ouvre que je ne connais pas. On m'attrape, on me pique, des litres de vin rouge m'arrivent dans la gorge, de partout à la fois. Le passé me revient, un flot vivant. Je vole à Londres, où les ventreurs dissèquent les putains. Au loin, je vois Gauguin mourant de sa vérole. Van Gogh ensoleillé, son oreille à la main. Fibaldi me regarde à travers la fenêtre en vitrail. Il brandit un énorme violon. Il me joue son hiver. Alors je vais me mettre près du poêle. Je suis un tout petit garçon. Maman, tu n'as pas mis ton tablier? Les vitres ne sont plus peintes en bleu, pourquoi? Il n'y a donc plus de bombardement, plus de guerre. Viens vite, il y a clair de lune. Qu'est-ce que nous attendons? Personne dans la rue, le ciel luise et l'étoile. Giacomo Puccini, où es-tu, que fais-tu? Nous étions 20 ou 30. Que cette main est froide. Dans une impasse noire, ma mère a disparu. D'un coup, je me réveille et mes mains sont liées derrière mon dos. J'appelle et personne ne vient. Je ne peux pas mettre bout à bout 2 idées. Je suis dans un trou. Je ne me rappelle rien. Mon royaume a 3 mètres carrés de surface. Je fais 3 pas, je tourne 90 degrés. 3 pas dans l'autre sens. Je passe, je repasse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La liberté. Thank you.